Notre Dieu aime l'adoration. L'adoration, toujours l'adoration. Et encore l'adoration. Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Jean chapitre 4, verset 23. Adoration de Bileinaï. Keep on.